franceinter.com. Personne n'a oublié ces images télévisées. On voit d'abord des affrontements de rue sur fond d'échanges de coups de feu. Puis, des ambulances arrivent. Il y a des blessés, peut-être des morts. On découvre ensuite un père et un enfant cachés derrière une sorte de tonneau en ciment. Encore des coups de feu, des cris. Derrière, sur le mur en parpaing, on voit des impacts de balles. Le père, tout en serrant l'enfant contre lui, fait des gestes en direction de l'endroit, devant lui, d'où pense-t-il, viennent les tirs. Puis on entend le bruit caractéristique d'une rafale d'armes automatiques. Le père et l'enfant disparaissent derrière un nuage de poussière. Un instant, quelqu'un passe devant l'objectif. Le caméraman lui demande de se baisser, mais continue à filmer. Quand l'image redevient nette, l'homme, tête pantelante, semble blessé. Son fils gît à terre, devant lui. Il est touché à l'abdomen. Le bras gauche est replié sous son ventre. On voit une blessure sur l'avant-bras droit du père. L'enfant bouge brièvement, puis s'immobilise. Le père, prostré, est adossé au mur. Cette séquence, filmée le 30 septembre 2000, au carrefour de Netzarim, dans la bande de Gaza, a été diffusée le soir même dans le journal de 20h de France 2. Elle était ainsi commentée par le correspondant de la chaîne en Israël, Charles Anderlin, je cite. « Les Palestiniens ouvrent le feu et les Israéliens ripostent. Des conducteurs d'ambulances, des journalistes et des passants sont pris entre deux feux. Ici, Jamal et son fils Mohamed sont la cible de tirs venant de la position israélienne. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale, Mohamed est mort et son père gravement blessé. La diffusion de ce document, repris par toutes les télés du monde, provoque aussitôt une intense émotion. Un enfant est mort en direct devant une caméra. Et ces images vont être abondamment exploitées, et d'abord naturellement et de façon parfois cynique, par le camp pro-palestinien. Mais ce qu'on ne pouvait pas prévoir à l'époque, c'est qu'elles allaient aussi un peu plus tard alimenter une véritable chasse à l'homme. Sur la sellette, le journaliste Charles Anderlin, auquel quelques fanatiques remettront même le prix Goebbels de la désinformation, un comble pour un homme dont une partie de la famille a péri à Auschwitz. Dans un instant, M. X explique pourquoi il a choisi cette semaine de traiter ce dossier qui semble a priori un peu étranger à son registre habituel. Told you. Justify those who die, By wearing the badge of the chosen white, those who die are justified. By wearing the badge of the chosen white, you justify those who die. By wearing the badge of the chosen white. Une observation d'abord. Je ne connais pas Charles Enderlin, mais j'admets avoir souvent été impressionné par la lucidité, l'objectivité avec laquelle, dans un contexte aussi passionné, il effectue son travail de journaliste en Israël. Ouais, d'accord, mais je partage aussi votre jugement. Mais pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette affaire-là ? Bon, mettons de côté, au moins provisoirement, le caractère outrancier de la campagne qui vise Enderlin. Vous savez qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Eh bien, j'ai la conviction que cette affaire cache autre chose. Et à mon avis, c'est le sens profond de ce qui ressemble à une vraie chasse à l'homme. Mais un peu de patience, j'y viendrai plus tard. Les faits, d'abord. Ouais, le point de départ, c'est donc la mort du petit Mohamed Aldoura. Hein. Ces terribles images ont été filmées par un des opérateurs habituels de France 2 dans la région. Talal Abou Rami, un caméraman très expérimenté dont le travail a été honoré par plusieurs récompenses. Ouais, un palestinien. Oui, mais vous imaginez bien que ce point très précis sera mis en avant par les adversaires de Charles Enderlin. Mais j'en reparlerai. Autre observation. Enderlin, qui a commenté ces images, ne se trouvait pas à Gaza. Autre détail qui a donné lieu à contestation. Hein. Évidemment. Mais le journaliste a toujours dit qu'il faisait une confiance totale à son caméraman. Donc il a rédigé ces quelques lignes de commentaires à partir des informations que lui a fournies au téléphone Talal Abou Rami. Et c'est le point le plus délicat, hein, car le caméraman a affirmé que les tirs qui ont tué l'enfant et blessé le père étaient israéliens. C'est certain. Mais au même moment, d'autres tirs provenaient des positions palestiniennes. Et comme nous avons visionné ensemble le document avant d'enregistrer cet entretien, vous avez relevé que dans son commentaire, Enderlin précise que l'initiative des tirs est palestinienne. Et les Israéliens ont riposté. C'est ça. Ouais. Alors, au milieu de cet échange de coups de feu, comment Ramé peut-il être sûr que ce sont des tirs israéliens qui ont tué le petit Aldoura ? Parce qu'il était sur place et qu'il a jugé qu'en fonction de la disposition des lieux, seuls des soldats israéliens avaient pu toucher le père et le fils. Une appréciation qui peut être discutée ou discutable. Certes, mais seule une reconstitution sur place aurait pu trancher dans un sens ou dans l'autre. Ouais, on aurait alors pu mesurer les angles de tir. Oui, mais malheureusement, 8 jours plus tard, l'armée israélienne a rasé la plupart des bâtiments existants sur la place Netzarim. Autre observation importante. Enderlin, qui n'était pas sur place, connaissait parfaitement les lieux pour y être passé à de nombreuses reprises. Et les explications que lui a données son caméraman l'ont convaincu. Alors, quand même, Enderlin n'aurait-il pas dû être plus prudent ? Et introduire un doute sur l'origine des tirs ? Bon, certains l'ont pensé et écrit. Mais encore une fois, Ramé se trouvait sur les lieux, il était donc à même de donner son avis. Ouais, mais il est palestinien. Et c'est fondamentalement ce qu'on lui reproche. J'ai lu dans Le Monde, et je trouve cela épouvantable, le commentaire d'un grand écrivain et cinéaste français d'origine juive qui a osé écrire « On ne peut pas prendre en compte la version d'un journaliste arabe ». Eh ben, et cette destruction des lieux du drame, là, pourquoi ? Tzahal, l'armée israélienne, a mis en avant des arguments de sécurité. Et vous y croyez, Je n'en sais rien, mais avouez que cette destruction ne pourra qu'engendrer plus tard les pires soupçons. Ah. Alors justement, là, comment l'armée et les autorités israéliennes réagissent-elles après la diffusion des images dont elles ne peuvent ignorer l'effet d'émotion qu'elles vont produire, hein. Et d'ailleurs, Anderlin, avant même cette diffusion, a téléphoné à l'état-major de Tzahal afin d'obtenir un commentaire. Mais ce soir-là, l'armée israélienne est demeurée muette. Et ensuite, alors, lorsque l'affaire va prendre des dimensions considérables, Tzahal, assez rapidement, prend ses responsabilités. 3 jours après le drame, le général Giora Eland déclare à la BBC que les tirs mortels venaient apparemment des soldats israéliens postés à Netzarim. Et il présente les excuses de l'armée. Des propos qui sont peu après confirmés par un autre général, Moshe Yaalan. Ouais. Mais à culpa, donc. Mais plus tard, la position de Tzahal deviendra beaucoup plus ambiguë. Mais expliquez-moi. Alors. Oh, certes, l'armée israélienne ne rejoindra jamais le camp des extrémistes qui, nous allons le voir, vont accuser Anderlin de manipulation. Mais dans le même temps, elle refusera toujours qu'une enquête indépendante fasse la lumière sur cette affaire. Et Tzahal, si je puis dire, a pris les devants en rasant les lieux. Ben ça, libre à vous de le penser, mais c'est vrai que l'audition des soldats israéliens, qui étaient d'ailleurs d'origine druze, aurait par exemple permis d'y voir plus clair. Et il m'étonnerait aussi que l'armée n'ait pas pris de photos au sol ou depuis le ciel, grâce à ces drones. Mais ces photos, si elles existent, n'ont jamais été rendues publiques. Toutefois, je voudrais un instant élargir ce débat et tenir compte du contexte. Le 30 septembre 2000, c'est le deuxième jour de l'intifada. Oui, la seconde intifada. C'est exact. Tout a commencé en réalité le 28 septembre. Ce jour-là, le chef du Likoud, Ariel Sharon, qui est aussi le leader de l'opposition face aux travaillistes Ehud Barak. Tout à fait. Donc ce jour-là, Sharon effectue une visite sur l'esplanade des mosquées. Ouais, le côté palestinien des lieux saints. Et je me souviens, à l'époque, on a parlé de provocation. Et malgré la protestation de la droite israélienne, ça y ressemble. 2 mois plus tôt, se sont tenus les entretiens de Camp David entre Arafat et Barak. Des entretiens qui se sont traduits par un échec. Oui, mais on y a traité d'un sujet qui hérisse la droite religieuse et le parti Likoud. La reconnaissance de la gestion de Jérusalem-Est par l'autorité palestinienne. Et Sharon, c'est ce qu'il dira après, a voulu montrer que les Israéliens étaient partout chez eux à Jérusalem. Y compris sur l'esplanade des mosquées. En tout cas, cet événement met aussitôt le feu aux poudres. Dès le lendemain, les Palestiniens protestent violemment sur cette même esplanade. La police israélienne tire, on relève une dizaine de morts. Oui, et à partir de là, c'est l'enchaînement. Forcément. Et dans le seul premier mois de l'intifada, 33 Palestiniens vont être tués par les forces de l'ordre israéliennes. Et le petit Mohamed Al-Doura est donc l'un d'entre eux. Malheureusement, oui. Un parmi 33. J'ajoute que le 30 septembre, toujours place Netzarim, un policier palestinien et un ambulancier ont été également tués. Mais la mort d'un enfant, surtout filmé, a autrement plus d'impact. Obligatoirement, quoi qu'il en soit. Si Anderlin, ce 30 septembre, ne se trouve pas à Gaza, c'est que le feu a pris en de nombreuses autres villes palestiniennes. À Ramallah, où il s'est rendu. C'est le siège de l'autorité palestinienne. Oui, donc à Ramallah aussi, on assiste à de violents incidents et les militaires tirent à balles réelles, tuant un des manifestants. Et l'armée dans tous les territoires occupés s'apprête à réprimer le soulèvement palestinien avec de gros moyens, chars et hélicoptères de combat compris. Tzahal s'y est préparé. Depuis longtemps, en effet. Mais ne nous éloignons pas. Alors, non, ça veut dire en tout cas que le contexte politique est brûlant. Ça ira crescendo jusqu'à la fin de l'année. Il y aura quand même des tentatives de dialogue. Et la dernière aura lieu à Taba, au mois de janvier 2001. Mais si vous permettez, j'y reviendrai. Ouais, il faut quand même dire que Barak est alors, en cette fin d'année, un président démissionnaire. Et qu'il a toutes les chances d'être battu aux élections de février. Par Sharon, justement. Oui. Malgré la responsabilité de ce dernier dans le déclenchement de l'intifada. Ça, c'est vous qui le dites. Mais en Israël, dans le camp conservateur, on ne voit pas du tout les choses comme ça. Cependant, je reviens à la mort du petit Mohamed. Si l'armée n'a pas protesté contre la diffusion des images de la mort de l'enfant et le commentaire attribuant l'origine des tirs à ses soldats, un certain Yosef Doriel se manifeste dès le lendemain dans un courrier adressé au journal Haaretz. C'est le premier acte d'une campagne qui n'est toujours pas achevée. Et c'est maintenant Charles Anderlin qui va être personnellement visé. Oh, rendez-vous avec X. Quelques mots sur le très discret Charles Anderlin. Pierre Aski, ancien journaliste de Libération et aujourd'hui directeur de la rédaction de Rue 89, a bien connu le correspondant de France 2 dans les années 90. Voici ce qu'il écrit. Ironiquement, à l'époque, certains confrères l'accusaient plutôt de trop pencher pour Israël, où il a fait sa vie depuis près de 30 ans, notamment parce qu'il enfile à chaque année l'uniforme de l'armée israélienne pour accomplir sa période de réserve obligatoire. De ce point de vue, Anderlin a sans doute plus fait concrètement pour la sécurité d'Israël que ses détracteurs de Paris-Washington. Quant à Jean-Gabriel Frédé, il ironise dans le Nouvel Observateur. Anti-israélien et pourquoi pas antisémite, Charles, né d'une mère juive autrichienne réfugiée en France avant l'Anschluss de 1938, le jeune Charles a grandi entre Nancy et Metz, où il a commencé des études de médecine avant de partir faire son alia, son retour en Israël, en 1969. 6 mois de kibboutz et apprentissage du journalisme à la radio israélienne. Service militaire sur le canal de Suez en 1973. En 1981, France Télévisions recrute ce binational qui met au service des téléspectateurs une exceptionnelle connaissance, juifs et palestiniens confondus, des acteurs d'un pays qui rend fou, mais reste extraordinairement attachant. Qu'écrit ce Yosef Doriel dans ce courrier au journal Haaretz? En gros, il accuse les Palestiniens d'avoir mis en scène la mort du petit Mohamed. Pour lui, ce sont des provocateurs palestiniens qui, après avoir tiré sur les soldats de Tsahal, ont tué l'enfant en se débrouillant pour que sa mort soit filmée. Ça paraît quand même un peu gros. Hein. Et qui ce personnage, Doriel là? Cet homme qui prétend être ingénieur a tendance à voir des complots partout. Bon, je ne vous donne qu'un seul exemple. Il soutient qu'en 1995, le premier ministre Yitzhak Rabin n'a pas été tué par le militant d'extrême droite Yigal Amir, mais qu'il a été victime d'une conspiration organisée par Shimon Peres en liaison avec le service de sécurité intérieure, le Shin Bet. Ouais, je vois le genre. Ouais. Mais certes, mais son papier fait des vagues. Anderlin commence à recevoir des menaces à son bureau et même à son domicile. Parce qu'on pense qu'il aurait été complice là, de cette soi-disant manipulation. Et qu'il aurait donc contribué à alimenter l'antisémitisme. Mais il prend ça à la légère parce que ce Doriel ne lui semble pas sérieux. Cependant, un autre personnage entre en scène. Naoum Shahat est physicien et producteur de petits films pour l'armée. Avec Doriel, il convainc un général, Yom Ton Samia, qui commande la région sud de procéder à une reconstitution sur une base militaire. Mais dans quelles conditions, puisque le secteur a été détruit? Eh bien, les protagonistes de cette initiative vont se servir des images filmées. Ça ne me semble pas très scientifique. En effet, et les résultats révélés lors d'une conférence de presse ne le sont pas moins. On y trouve, par exemple, une assertion de ce général qui déclare avoir décelé sur les images des flashs de tir venant de l'arrière. Oui, provenant donc des positions palestiniennes. Le problème, c'est qu'une caméra filmant 24 images par seconde ne peut pas enregistrer de tels éclairs. Mais vous l'avez compris, ce qui importe, c'est d'instiller le doute. Et donc d'écarter la responsabilité israélienne. C'est évident, car l'intifada est de plus en plus meurtrière. Fin novembre, 200 Palestiniens et 30 Israéliens ont déjà trouvé la mort. Ouais. Ce que vous passez quand même sous silence, là, c'est que le drame de Netzarim fait l'objet d'une exploitation sans précédent dans le monde arabe. Hein. À la mi-octobre, à Ramallah, 2 soldats de Tsahal ont même été lynchés par la foule. Vous avez raison, et c'est un épisode atroce. Ailleurs, on baptise des rues, des monuments du nom du petit Mohamed Al-Doua. La mort de l'enfant est devenue symbolique. Et il ne faut pas oublier que plus tard, en 2002, le journaliste américain Daniel Pearl sera assassiné par ses ravisseurs devant une photo de l'enfant. Tous ces faits permettront d'ailleurs à quelques intellectuels pro-israéliens de bâtir toute une théorie. Mohamed Al-Doua, l'enfant martyr musulman, figure emblématique de l'intifada, aurait permis de ressusciter dans l'opinion le stéréotype du juif tueur d'enfants chrétiens. Oui, un mythe très répandu au Moyen-Âge. Oui, cependant, je vous laisse libre d'en penser ce que vous voulez. Pour ma part, ça me paraît assez fumeux. Mais j'en reviens à cette reconstitution. Elle est très vite mise en cause par des experts sérieux. Et disons-le, elle ne suscitera guère d'écho en Israël même. L'armée ne la reprend pas sans compte. Hein. Non. Et on a même l'impression qu'on préférerait ne plus parler de toute cette affaire. C'est même si évident que Charles Anderlin, ennuyé par ces rumeurs, propose au porte-parole de Tsahal de participer à une enquête officielle, afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Résultat ? Il ne recevra jamais de réponse. En même temps, il faut s'en souvenir, en Israël et dans les territoires occupés, la situation est plus que jamais tendue. Ariel Sharon est devenu Premier ministre en février 2001. Et en avril 2002 commence l'opération Rempart, le siège du QG d'Arafat à Ramallah. Et c'est à peu près au même moment qu'une chaîne de télévision allemande diffuse un documentaire intitulé « Trois balles et un enfant mort ». Oui, sur la mort du petit Mohamed. Hein. Et c'est un film à charge contre Anderlin et son caméraman qui s'appuie essentiellement sur cette reconstitution douteuse dont je vous ai parlé. On y affirme donc que l'enfant n'a pas pu être tué par des balles israéliennes. Et on pose une curieuse question. Que venaient faire le père et le fils à cet endroit ? Ouais, sous-entendu, il n'était pas là par hasard. Bien entendu. Donc il y a eu manipulation. L'affaire a été montée de toutes pièces par les Palestiniens. Au fait, vous savez pourquoi Aldoura et son fils se trouvaient sur la place Netzarim ? C'est très simple. Le père venait de faire une course dans un magasin d'accessoires automobiles. Et quand ça a commencé à tirer, le père et l'enfant se sont protégés derrière ce gros tonneau en ciment. En tout cas, la diffusion de ce documentaire réalisé par une certaine Esther Shapira ne tarde pas à relancer la polémique. Mais très peu en Israël. C'est particulièrement en France qu'on va assister au lancement d'une virulente campagne contre Anderlin. Mais qui sont les accusateurs ? Voilà une vraie nébuleuse. On y trouve quelques intellectuels comme le sociologue Pierre-André Taguieff et le philosophe Alain Finkielkraut. Mais aussi des organisations juives comme le CRIF. Ouais. C'est-à-dire le Conseil représentatif des institutions juives. Et cette campagne est relayée ou téléguidée par quelques sites internet très actifs. L'un d'eux, la MENA, animé par un Israélien francophone, s'est d'abord donné comme objectif de critiquer la couverture du conflit israélo-palestinien par les médias internationaux. Mais la MENA s'empare très vite de l'affaire Aldoura et va en faire son cheval de bataille, ce qui va lui valoir une augmentation considérable de ses abonnés. Et puis il y a ce conseiller municipal de Neuilly là, qui inonde les réactions de courriels, hein, j'en sais quelque chose. Philippe Carsenti, oui, un ancien consultant en finance qui doit être très à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, il peut se consacrer presque exclusivement à sa croisade contre Charles Anderlin. Aux États-Unis, en Israël, en Europe et bien sûr en France. Mais je vous en reparlerai plus longuement parce qu'il est maintenant devenu le moteur principal de cette campagne de dénigrement. Campagne très efficace. Carsenti est en effet un lobbyiste très habile. Mais à votre avis, là, pourquoi est-ce en France que cette campagne est la plus virulente ? Il y a de multiples raisons, à commencer par la multiplication des actes antisémites dans ces années-là. Et c'est souvent lié aux violents événements qui se déroulent en Palestine. Et bientôt en Irak. Et ça concerne essentiellement la communauté maghrébine. Mais plus profondément, je pense que les Français n'ont toujours pas soldé le passé. Quoi, la collaboration ? Et la politique antisémite des autorités françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, ouais. Donc le sentiment de culpabilité qui subsiste ? C'est certain. Et je pense que ça explique, à contrario, la violence des réactions d'une partie de la communauté juive qui s'enflamme dès qu'on critique la politique d'Israël. On l'a encore vu récemment lors de l'opération Plomb durci à Gaza, en janvier 2009. Ouais. Ou lors de l'arraisonnement des bateaux qui ont essayé de briser le blocus de Gaza. Pour revenir à l'affaire Aldoura, il est tout de même curieux de constater que ce sont des particuliers ou des organisations qui sont en première ligne. Alors, même que les autorités israéliennes, qui sont quand même concernées en premier chef, gardent un silence prudent. Mieux, en Israël, Anderlin demeure toujours un journaliste respecté et son caméraman, Talal Abu Rameh, qui a pourtant été l'objet des pires accusations, jouit toujours des accréditations gouvernementales qui lui permettent d'exercer son métier. Et pour vous, c'est une preuve que les autorités israéliennes n'entendent pas soutenir cette campagne anti-Anderlin ? Ça me semble évident, parce que l'État hébreu n'entend pas être mêlé à cette thèse conspirationniste. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Dans un instant, Monsieur X développe justement dans le détail le contenu de ces théories qu'il qualifie de conspirationnistes. Auparavant, je vous propose la conclusion d'un ouvrage que Charles Enderlin vient d'écrire sur cette affaire. Un document intitulé « Un enfant est mort » où il décortique avec minutie et sobriété les événements qui lui valent la campagne qui est menée contre lui. Je cite « La campagne de diffamation est donc omniprésente, toujours aussi haineuse avec ce que cela représente pour ma famille. Dans le cadre de son baccalauréat israélien, notre fille Raphaël a présenté l'épreuve de français en candidate libre. À l'oral, elle s'est trouvée confrontée à une examinatrice qui lui a demandé ce que faisaient ses parents. « Ils sont journalistes », a-t-elle répondu. Réaction de cette enseignante israélienne. « Ah, tu es la fille du journaliste Charles Enderlin !» Raphaël était déstabilisée. Et selon sa professeure de français qui se trouvait dans la salle, l'examen s'est ensuite déroulé dans un climat d'extrême sévérité. Ce jour-là, j'ai décidé d'écrire ce livre pour ma famille et mes amis. Alors, voyons plus précisément ces thèses qui sous-tendent la campagne menée contre Enderlin. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, en gros, elles sont au nombre de trois. Mais elles ont tout un point commun. La mort du petit Mohamed Al-Doura résulte d'une manipulation des Palestiniens. Ouais. Alors la première ? Oh, bah, c'est à mon avis la plus extravagante. Écoutez bien. Toute la scène filmée par l'opérateur de France 2 n'aurait été qu'un vaste montage. Ce qui veut dire ? Bah, une vraie scène de fiction. Avec bruitage de fausses rafales d'armes automatiques et quelques grossiers trucages, comme la tache de sang sur le ventre de l'enfant. Un chiffon rouge, en fait. Donc, selon les tenants de cette théorie, là, Mohamed serait vivant. C'est ça. Ouais. On l'aurait même vu sur un marché de Gaza. Quant au père, il n'aurait jamais été blessé et les cicatrices qu'il a exhibées auraient été anciennes. Le résultat d'une rixe à laquelle il aurait été mêlé lorsqu'il était trafiquant de drogue. Ouais. Et l'enfant, alors, dont le corps a été photographié à la morgue de Gaza. Oh, ben, ça serait agi d'un autre enfant qui n'aurait aucun lien avec les Al-Doura. Y a-t-il une once de vérité derrière cette thèse ? Aucune, non. Parce que les propagateurs de cette théorie ignorent, au fond semblant d'ignorer, que place Netzarim se trouvaient d'autres caméramans d'agences internationales, au moins quatre, et aussi des photographes sur place. Seraient-ils donc complices de ce montage ? Non, à l'évidence, c'est absurde. En outre, Al-Doura n'a jamais été trafiquant de drogue. Son casier judiciaire vierge en témoigne. Ah, bon, passons, autre thèse. Oui, très proche de la première. Le vrai Mohamed Al-Doura serait décédé le matin même et son père aurait joué la scène de la mort l'après-midi avec un autre enfant. Ouais. Mais sur quoi se basent les auteurs de cette thèse-là ? Sur des confusions d'horaires figurant sur les registres de la morgue de Gaza. Mais ça ne vous semble pas crédible ? Absolument pas. Mais moi non plus. Car je vous ai dit que d'autres journalistes étaient présents. Mais il y avait aussi des manifestants, des ambulanciers. Ouais, autant de témoins qu'il aurait fallu suborner. Et la troisième thèse, alors ? Ah, elle est plus perverse. Hein. Les Palestiniens auraient eux-mêmes sciemment tué Mohamed à des fins de propagande. Afin de faire accuser les Israéliens. Hein. C'est assez épouvantable. Ouais, parce que ça supposerait que le père du petit Mohamed aurait accepté qu'on tue son fils sous ses yeux. Mais si je comprends bien, là, quelle que soit la thèse, hein, pour ces gens-là, il y a eu supercherie et Ramé, le caméraman, est complice. Enderlin n'ayant commis la faute, lui, que de donner foi à ses mensonges. Et pour faire bonne mesure, ces propagandistes ont prétendu que le Palestinien était un membre du Fatah. Oui, l'organisation de Rafat. Et c'est vrai ? Non, totalement faux. Le Shin Bet, le très efficace service de sécurité intérieure d'Israël, a démenti catégoriquement toute affiliation de Ramé à un mouvement nationaliste palestinien. On ne peut donc pas être plus royaliste que le roi. Si vraiment Ramé avait eu parti lié avec les organisations politiques palestiniennes, le gouvernement israélien ne se serait certainement pas interdit de mettre en cause son impartialité. Ouais. Alors, vous venez là d'instruire un vrai procès à charge hein, contre ces conspirationnistes, là, comme vous les appelez, mais de l'autre côté, Enderlin et son caméraman n'ont-ils rien à se reprocher ? Sur un point, au moins, le correspondant de France 2 a peut-être péché par imprudence. en affirmant dans son commentaire que les tirs qui ont tué l'enfant étaient israéliens. Il s'est sans doute un peu trop avancé. Oui, mais il l'a fait. On en a parlé au début de cet entretien. Mais il l'a fait d'après le témoignage de son caméraman. C'est exact. Toutefois, je vous le rappelle, Anderlin n'était pas sur place. Et du côté palestinien aussi, on a ouvert le feu. Bon, je pense donc qu'il aurait dû employer le conditionnel ou attendre qu'une enquête établisse la vérité. Mais il n'y a jamais eu d'enquête. Et le site a été détruit. Oui. Le deuxième reproche concerne Ramé, le caméraman. Dans ses premières déclarations, il a affirmé que les soldats israéliens avaient intentionnellement tiré sur l'enfant. Il ne pouvait pas le savoir. C'est évident. Et Charles Anderlin lui-même n'a jamais cru à l'assassinat. En tout cas, cette assertion du caméraman peut être dictée par l'émotion. Ça a été une faute. D'ailleurs, Ramel l'a lui-même très vite compris. Et il est revenu sur ses premières déclarations. Mais il est vrai que ça a pesé lourd dans le procès qu'on a instruit contre lui. En tout cas, il faut encore souligner que les généraux israéliens, au moins dans un premier temps, ont admis que les tirs mortels avaient été le fait de soldats de Tsahal. Oui, mais ensuite, ils ont quand même émis des réserves. Sans démenti officiel, toutefois. Et ils n'ont jamais pris au sérieux la pseudo-reconstitution effectuée à l'initiative de Doriel et Sharaf. Mais je reviens à la campagne conduite contre Anderlin. Malgré tout ce que je viens de vous dire, il s'est trouvé des gens de qualité pour être ébranlés par les thèses propagées par ces sites internet et l'acharnement incessant d'un carcentier. Bah qui, par exemple ? Bon, je ne veux pas vous dresser une liste, ça serait désobligeant pour quelques-unes de ces personnes. Mais tenez, par exemple, curieusement, un des premiers à accorder foi à ces thèses a été l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Elie Barnavi. Un historien de qualité, pourtant. Et un homme qu'on ne range ni parmi les conservateurs, ni parmi les extrémistes. Enfin, passons. Il y a aussi des gens qui vont se rendre compte, mais un peu tard, qu'ils ont été abusés. Et je pense en particulier à deux grands journalistes français. Cependant, dans ce camp, on trouve aussi des personnages plus pittoresques, comme cet historien médiéviste américain qui a inventé le néologisme Pallywood. Pallywood, ce qui signifie ? Pali pour palestinien et Wood pour Hollywood. Pour ce personnage, Pallywood, c'est le show palestinien organisé ce 30 septembre 2000 sur la place Netzarim. Pas très sérieux, non. Mais j'imagine que devant ces attaques permanentes, Anderlin ne doit pas rester passif. Bien évidemment, il se défend comme un beau diable. Lui et aussi la chaîne France 2 qui se trouve mise en cause. France 2 est-elle solidaire de son journaliste ? Absolument. Arlette Chabot, la directrice de l'information, a soutenu Anderlin. Et au cours d'une conférence de presse, elle a même annoncé son intention de porter plainte pour diffamation si les attaques continuaient. Et si je me souviens bien, elle va passer à l'acte. En effet, comme Carcenti est loin de se calmer, elle porte plainte conjointement avec Charles Anderlin. Résultat ? Le procès se déroule à l'automne 2006. L'infatigable Carcenti est condamné. Et pour diffamation, donc. Il fait aussitôt appel. Et quelles sont les réactions en Israël, alors ? Le porte-parole de Tsahal se contente de répéter qu'il est impossible de déterminer si l'armée est oui ou non responsable de la mort de Mohamed Al-Doura. Et le gouvernement ? Aucune prise de position officielle. D'ailleurs, en Israël, on a plutôt tendance à considérer que ces développements judiciaires ressortent d'une affaire purement franco-française. Ouais, donc on ne veut pas s'en mêler, quoi. Et la Cour suprême d'Israël rejettera la demande d'une organisation de colons qui exigeait que la carte de presse de Charles Anderlin lui soit retirée. Ouais. Et le deuxième procès en appel, alors ? Avant ce procès en appel, Carcenti, à son tour, a attaqué les auteurs d'un documentaire diffusé sur Canal+, qui malmène sérieusement son action et, contre toute attente, il gagne. Ouais. Mais le critique de l'Express, qui l'a rangé, je cite à peu près, dans la catégorie des spécimens les plus atteints par une forme pathétique d'obsession, et lui, relaxé. Allez comprendre. En tout cas, cette victoire de Carcenti est de très mauvais augure pour le résultat du procès en appel. Et effectivement, il n'est pas condamné pour diffamation, car le tribunal l'a jugé de bonne foi. Mais l'affaire n'est pas finie, car Anderlin et France 2 se sont pourvus en cassation. Et c'est là où l'on en est aujourd'hui. Oui, et en attendant, Carcenti continue à caracoler le continent en répétant ses accusations contre le journaliste. Alors vous m'avez laissé entendre au début de cet entretien que cette propagande haineuse dissimulait autre chose. Bien évidemment. Et ça va au-delà du drame de la place Netzarim, qui, pour certains contradicteurs de Charles Anderlin, ne sert que de prétexte. Ça explique, à mon avis, pourquoi un homme comme Barnavi est, à mon sens, fourvoyé dans cette polémique. Alors de quoi s'agit-il ? Anderlin ne se contente pas d'être un observateur attentif de l'actualité. Il fait aussi œuvre d'historien à travers les nombreux ouvrages qu'il a publiés. Et il le peut, parce qu'il entretient des contacts privilégiés avec les principaux acteurs du conflit israélo-palestinien. Et dans les deux camps, donc. Et il lui arrive d'énoncer quelques vérités dérangeantes, comme par exemple lorsqu'il écrit que la rencontre de Taba en janvier 2001 entre Barak et Arafat n'a pas échoué à cause de l'intransigeance du leader palestinien, mais parce que Barak, démissionnaire, ne pouvait ou ne voulait pas conclure un accord. Ouais, contrairement à ce qu'on a toujours prétendu officiellement en Israël. Hein. Parfaitement. Ouais. Autre affirmation qui a fâché. Anderlin a aussi écrit que la deuxième intifada n'était pas préparée par l'autorité palestinienne, mais qu'elle était née de la répression des manifestations sur l'esplanade des mosquées après la visite de Sharon. Enfin, et j'en aurai terminé, il y a aussi ce décryptage très serré des rapports entre l'État hébreu et l'islamisme radical. Ah oui, le fait qu'Israël a joué avec le feu en aidant secrètement à la naissance du mouvement Hamas, hein, devenu aujourd'hui l'un de ses pires ennemis. Afin d'affaiblir le Fatah de Yasser Arafat. Toutes ces révélations, qui semblent incontestables à la plupart des historiens sérieux, ont fait de Charles Anderlin un homme à abattre, un mauvais juif, comme disent ses ennemis. Je crois que c'est la vraie raison de l'inlassable campagne de dénigrement qui est menée contre lui depuis 10 ans. Le livre de Charles Anderlin, « Un enfant est mort », est paru très récemment aux éditions Don Quichotte. Mais il faut aussi lire ses autres ouvrages, dont « Le rêve brisé » ou « Le grand aveuglement ». Et puis, un beau livre, puisque Noël approche, « 100 diamants de l'histoire », comme les appelle joliment Jean-Pierre Guénaud, c'est-à-dire 100 anecdotes, manuscrits, tableaux qui sont révélés dans cet ouvrage magnifiquement illustré « 100 diamants », qui ajoute à l'histoire son quota d'émotion et d'humanité. Cet ouvrage, et puis ceux d'Anderlin, bien sûr, vous les retrouvez sur franceinter.com. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé, comme d'habitude, cette émission. Michel Billou et Stéphane Combe l'ont réalisée et Monsieur Joube l'a mise en musique. Tout de suite après le flash de Mon amour de Denis Jessoux.